Dans cette intersection, aucune signalisation n'indique le régime de priorité. La balise blanche à anneau rouge positionne seulement le carrefour. En l'absence de toute signalisation spécifique, je suis tenu de céder le passage à tous les usagers venant de droite. Je passerai donc après le véhicule rouge. Réponse B.